Le lion, l'ours et le renard. Fable. Le lion et l'ours, ayant dérobé un morceau de viande, se battaient à qui l'aurait. Ni l'un ni l'autre ne voulaient céder. Ils luttèrent si longtemps qu'ils se lassèrent et s'endormirent. Le renard vit entre eux la viande, s'en empara et s'enfuit.